Voici votre bulletin régional. Le 2 mai, le groupe Caïn sera en spectacle à la salle Guy Veilleux de Cook-Sheriton. Quilt Show, les 2 et 3 mai, au musée d'Eaton Corner. Dans le cadre des activités de l'âge d'or de Chartierville, souper de la fête des mères le 2 mai, de 17h30 à 19h. Coût, $15, avec soirée dansante. Consultation publique dans le cadre de l'élaboration de la politique familiale municipale de Scotstown et MADA, Municipalité Amie des Aînés, le 16 mai à 9h à l'Hôtel de Ville de Scotstown. On doit réserver avant le 2 mai au 819-560-8433. Grande vente d'ouverture et de liquidation chez Le Marchandeur, commerce spécialisé dans la vente d'antiquités et de meubles usagés, les 2 et 3 mai au 1206 route 212 à Island Brook, Newport. Activité mijoton ado le 2 mai au Centre culturel de East Angus. Pour inscription ou information, facebook.com/relève-hsf, par courriel à la-relève-hsf@hotmail.ca ou au 819-86-1508. Marcia Pilote invite les femmes à vivre une journée comme je l'aime le 2 mai au 168 route 112 à Westbury. Une journée où elle vous ouvre son coffre à outils. Pour information, www.marciapilote.com. Le 5 mai à 8h30, déjeuner brunch de l'Entournen à la salle des Chevaliers Colons de East Angus. Bienvenue à toute la population. Réservation avant le 2 mai. Information 819-832-2656. Repas de cabane à sucre à l'européenne et produits du terroir le 3 mai à l'érablière du lac d'Argent. Deux services, deux prévus. Un à 12h30 et l'autre à 17h30. 60 places par service. Tous sont invités. Coût, $50. Tous les fonds amassés iront au projet calendrier 2015-2016 pour la Société canadienne du cancer. Information 819-887-6392 ou 819-877-2090 ou 819-887-6389. Du 4 au 8 mai, inscription au service d'animation estivale, SAE, et cours de natation à East Angus.